Europe Connection. Europe Connection. De Alexandra Badea. Tu regardes le fond d'écran de ton ordinateur. Tu le regardes depuis une heure sans bouger. Ton portable sonne. Tu ne décroches pas. T'as zappé trois rendez-vous déjà. Ton corps est lourd. T'as envie de rien. Dès que tu bouges ta tête, tu vois des corps qui tombent. Insectes, animaux, humains, tout se mélange dans tes visions. Aujourd'hui, tu en es au deuxième Xanax et il n'est pas encore midi. Tu dois te lever, mais ton dos reste collé à ta chaise. Des post-it pulsent sur ton écran en t'annonçant tes prochaines deadlines, mais tu ne les calcules pas. Tu ne calcules plus rien. Même pas l'argent qui passe. Ton chef vient vers toi. Il te pose un dossier entre les bras et il t'expose la stratégie à prendre dans une histoire d'attribution des marchés. Il parle. Les mots dégoulinent de sa bouche. Et toi, tu ne vois que des abeilles qui meurent. Alors tu te lèves. Tu bafouilles une excuse. Tu l'écartes de ta voix et tu sors. Déjeuner avec un assistant parlementaire calé depuis un mois. Si tu le rates, tu seras vraiment hors jeu. Il est là devant toi. Il te regarde bizarrement. Et toi, tu regardes ton assiette. 10 minutes sans parler. Tu n'entends que le bruit de sa mâchoire et les couverts qui frappent la porcelaine. Tu ne peux pas manger. Et un titre de film se balade dans ta tête. Le poison de nos assiettes. T'avais beaucoup bossé à sa sortie pour annuler ses effets. Ça frappait fort dans votre politique et ça vous dérangeait. T'as réussi même à décaler sa diffusion à la télé. Il y avait un vote qui devait passer avant que l'opinion publique se mette à gueuler sous la panique et là... Voilà. Ce titre t'empêche de bouffer tes Saint-Jacques poêlés aux asperges. Tu regardes ton assistant parlementaire. Tu veux lui parler. Tu sais que tu dois lui parler. Tu dois obtenir ce marché. Si tu le fais, ton taux horaire va encore grimper. Tu vas pouvoir atteindre les 600. Le summum. La gloire. La reconnaissance. Tu dois le convaincre de glisser à son député une initiative d'amendement. Des nouvelles normes européennes dans le domaine des pesticides. Le cahier des charges est là. Entre tes mains. Tout est fait sur mesure pour servir votre marque et éliminer toute concurrence. Si la directive passe, il n'y a que vos produits qui résistent. Tu as déjà fait ça. Tu sais le faire. C'est simple. Et ton assistant, il est dans ta poche. Tu veux le faire, mais ta bouche reste fermée. Et les abeilles commencent à tomber à nouveau. Tu vas aux toilettes pour avaler encore un Xanax et tu fais passer ta tête sous l'eau. Ça te réveille un peu. Tu te regardes dans le miroir. T'es prêt. Tu retournes devant ton mec. Tu lui tends ton dossier. Tu ouvres ta bouche. Et ça sort. Pars-toi. Reste pas là. Ça va t'abîmer. Dans 10 ans, tu vas te retrouver en maison de repos. J'étais comme toi. J'ai commencé comme assistant parlementaire. Je suis devenu lobbyiste après. Et maintenant, je pète les plombs. Le mec te regarde, sidéré. Tu te lèves et tu pars, sans un mot. C'est pas ça que tu voulais lui dire, mais c'est sorti comme ça, tout simplement. Tu ne peux pas retourner au boulot, tu ne peux retourner nulle part. Chez toi, ta femme va t'appliquer le même refrain à base de « Je suis fier de toi ». Et aujourd'hui, t'as pas le courage de l'entendre. Tu t'éloignes du quartier européen. Tu prends un bus, le premier qui passe, et tu traces. Tu descends au terminus, dans un quartier où tu n'as jamais mis les pieds avant et tu entres dans le premier hôtel que tu vois. Un 2 étoiles un peu délabré. Ça te rappelle tes 20 ans. Ça te fait du bien. Tu te mets directement au lit. Tu éteins ton portable qui a déjà l'écran rempli d'une liste interminable d'appels en absence et un Xanax après. Tu t'endors. Une nuit sans abeilles. Une nuit sans corps mort. Dans un silence total. Le matin, tu as la gueule de bois. T'as envie de disparaître. T'as envie de te foutre dans le premier avion et de partir loin. Dans une île déserte, au milieu des aborigènes. Traîner sur une plage et te nourrir des algues et des fourmis. Ton imaginaire colonial te joue des tours encore. Plus tu y penses, plus t'as envie de tout balancer aux chiottes. Ton job, ta famille, tes crédits, plus rien à foutre. Juste s'échapper. On frappe à ta porte. Tu ouvres. Ta femme. T'as oublié sans doute de désactiver l'option géolocalisation de ton portable et elle est là maintenant. Elle pose sa main sur ton front. Tu brûles. Il te faut du repos. Elle prend ton portable. Elle compose le numéro de ton chef en te disant « Fais-le pour nous. On compte sur toi. On a besoin de ça. » Le chef hurle. Tu l'écoutes sans parler, tu sais tout ce qu'il va te dire. T'es juste surpris quand tu entends que l'assistant parlementaire a compris le message malgré ton débrayage. Le projet est dans les tuyaux. Aucun centime de perte. Tu n'es qu'un grain de sable. Avec ou sans toi, la machine tourne. Et soudainement, ça te soulage. Le chef te comprend et il te propose des vacances. Un mois, 2 mois, tout ce dont t'as besoin pour revenir en force. Ta femme te sourit. Elle te dit : Tu le fais pour nous. Tu le fais bien. Je suis fière de toi. Tu le fais pour nous. Tu le fais bien. Je suis fière de toi. Europe Connexion de Alexandra Badea. Avec Juliette Armanet et Jean-Baptiste Artigas. Musique et création sonore, Pierre Lefebvre. Je suis fière.